Bienvenue dans Tout sur mon dino, le podcast sur l'actu des dinos. Il y a toujours 66 millions d'années que les dinos ont disparu et on en parle toujours autant afin que vous aussi vous sachiez tout sur votre dino. Donc, on garde toujours le rythme d'un épisode par an car le manque d'infos nous empêche de tenir un rythme plus soutenu. Forcément. C'est vrai. N'est-ce pas ? C'est vrai. N'est-ce pas, Joe ? Du coup, n'hésite pas à nous présenter, vu que nous, c'est la première fois pour nous. C'est vrai. J'ai deux invités avec moi, bien sûr. Ah, cool. Si vous connaissez un autre podcast bien connu, justement, vous connaisserez certainement mes invités qui sont Jack et Joe. Je pense qu'on peut... Bienvenue, les gars. Merci pour l'invitation. J'adore ce que tu fais. Où suis-je ? Je sais. Bah, tu trinques pas. Hey. Moi, personnellement, je trouve qu'un podcast par an, c'est beaucoup trop peu. J'aimerais vraiment qu'il y en ait un peu J'imagine. Plus. J'imagine. Bonsoir. Bah, oui. On tient tout particulièrement à remercier nos sponsors. Ah. Qui sont le sponsor, le seul et l'unique. Le seul et l'unique, cool. Qui n'est même pas au courant d'ailleurs qu'il est notre sponsor. Ça compte pas ce truc-là. Raptor Park, hein, bien sûr. Les vacances de Noël sont bientôt là et le parc reste ouvert de 10h à 19h. N'hésitez pas à venir faire du laser game, trampoline, de l'acrobranche et même de la pétanque. Et n'oubliez pas qu'avec le code promo Tout sur mon dino, vous avez le droit à un Raptor Park qui vous donne accès au mini-golf, accès à la piste de roller ou la location de roller. Du coup, sans les rollers, on ne peut pas accéder aux pistes. C'est vrai, c'est vachement bien. Vous avez déjà été à... Ouais, déjà été. C'est vrai, en plus, il y a un dinosaure quand tu arrives. T'as un grand... c'est dingue. Tu vois, au niveau sponsoring, ils sont cool ou pas? Ouais, ça va, ouais. Bah, ils nous fournissent... Que dalle. C'est bien déjà, ouais, non, mais... moi, je trouve ça vachement bien, en tout cas, qu'il le fasse, personnellement. Ah, c'est cool. Donc, on va parler, hein, si ça te dérange pas. Excuse-moi, moi, je suis fan de dinosaures. J'imagine, forcément. J'ai vu Jurassic Park plusieurs fois. Ah, bah tiens, justement. Ah ouais. On va parler, justement, de la bande-annonce de Jurassic World 2. Ouais, cool. Qui fait suite au premier Jurassic World réalisé par Colin Trevorrow. Ouais. Pardon. Mon accent, avec dans le rôle principal Chris Pratt qui joue le rôle de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est ça. J'avais bien capté la ref. Hier, de Bryce Dallas Howard, la fille de Richie Cunningham. C'est oui. Bien connu. Richie Cunningham. Cette fois réalisé par Juan Antonio Bayona. C'est vrai. Plus connu pour sa réalisation de The Impossible. C'est vrai, je l'ai vu, je l'ai en DVD moi, personnellement. Ouais, il n'y a pas de dinosaures dedans par contre. Mais c'est pas grave. Ah, non, c'est juste pour la ref en fait. Ah oui, d'accord, oui, oui. Non, en il fait, est très ça, bien. Ça situe un peu les gens. Ah bah, ça contextualise. Ouais. D'accord, excuse-moi, j'y étais pas. Ça. Ouais, non, mais j'ai pas l'habitude d'être invité. Vous avez pris de la drogue ou pas? Je suis super mal à l'aise, je sais pas comment trop réagir, c'est bizarre. Mais je sais pas où mettre mes mains. Ah bah, tu peux les mettre dans tes poches. Je vais les mettre dans mes poches. Je sais pas. Tu peux te mettre à fumer si tu veux. Bah pourquoi? Je sais pas. Bah non. Pour ça. Non, mais c'est dégueulasse. Du coup, j'en étais où moi dans tout ça? T'en étais à ce Alors, le film qui raconte le drame The Impossible, le film qui raconte le drame que subit une famille suite à la terrible catastrophe qui a popularisé le mot tsunami en Thaïlande en décembre 2004. Mais je m'en souviens. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Bah, 2004, ouais. C'est hier. Mais je m'en souviens en plus parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Alors. Je peux me permettre une petite anecdote? Mais bien sûr. Fais-toi plaisir. Aucun lien avec les dinosaures, hein. Je tiens tout de suite à... C'est pas grave. T'as du palmier? Bah, plus ou moins. Bah, voilà. J'ai de la famille thaïlandaise, parce qu'en fait, mon oncle a une femme thaïlandaise. J'ai failli faire une blague immonde, je vous la ferai hors. Bien sûr. Parce que c'est bon, on sait jamais, des fois qu'il écoute un jour. du coup, il a une femme thaïlandaise et donc deux enfants thaïlandais. Il était en Thaïlande à ce moment-là. Mais il était dans les terres, et ça craignait rien. Et au moment où c'est arrivé, j'ai eu un message de mon ex-copine qui m'a dit « Est-ce que tout le monde va bien dans ta famille ?» Genre, ça faisait 4-5 ans qu'on ne s'était pas adressé la parole. D'accord. C'était très gênant, j'étais en train de lui répondre. Je me suis dit « Mais ça ne te regarde pas. » C'est tout, c'était pour... Voilà. Et sinon, le film n'est pas bien. Voilà, moi, je n'aime pas. D'accord. Bah, ça utilise un petit peu la... Les acteurs, les attends, acteurs non, de, non, attends, du attends. Film. Est-ce que tu... Moi, je sais, c'est quoi ce petit pouffement que j'ai eu à ma droite de Joe c'est genre, de toute manière, t'aimes aucun film. Donc ah, non, ah ouais, c'est ça. C'était ça, hein. Non, mais on peut en parler. Hein, qu'est-ce que c'était quoi non, parce que je sais pas ce qui se passe. De quoi tu parles. D'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, on t'invite et tu t'intéresses pas. Non, bah, ok, on parle pas de Dino, là, mais on peut faire une petite parenthèse, quand même. Ouais, ouais. D'accord. Okay. Bon, alors, tu l'as vu, c'est impossible. Non. Il y a Naomi Watts dedans. Ah oui. Et Ewan McGregor. Exactement. Je peux te le prêter, je l'ai. Tu veux le voir? Non, merci. Il n'y a pas de Dino. C'est prévu. Il n'y a pas le mien. J'ai oui. pas le temps. Non, et j'ai pas aimé parce qu'en fait, j'aime pas les films qui... Enfin, je comprends pas trop l'intérêt de reprendre une histoire qui est pas forcément vraie, qui est adaptée, qui se sert d'un drame là où il y a plein de gens qui sont morts et tout ça. Je trouve ça... Ouais. J'aime pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, je suis pas fan du tout. Voilà. Et je comprends pas. Comment t'as ouvert cette bière tout à l'heure? J'y arrive pas. Comment t'as fait? Je comprends ah, pas. Ah, mais voilà. On peut mais non, mais j'ai pas vu comment tu l'as pris. J'ai pas vu le même tuto que toi. C'est vrai. C'est ça. Il y avait pas un boulon. Ouais. Ok, merci. Donc, reprenons. Excuse-moi. Alors, cette fois, fini les dinosaures qu'on mixe entre eux. Je parle bien sûr hein, de Jurassic World 2. Hein. On est oui. toujours sur un. Ouais. Parce que, bon, la bande-annonce, tout à fait. Okay, ou c'est un peu égaré. Voilà. Peut... Verge. C'est pas dans les cartes, ça. Non, non, pas du tout. Excusez-moi, madame. Donc, je reprends, hein, un Jurassic World 2. Donc, cette fois, fini les dinosaures qu'on mixe entre eux pour créer une pseudo-race de super-dinos. Là, l'île du Jurassic Park menace d'exploser et nos héros décident de retourner là-bas. Comme dans toute bonne suite de Jurassic Park, bien sûr. Ça afin de sauver les dinosaures. Et les palmiers. Ah oui, ouais, exact. Qui, eux, ne cherchent qu'à les bouffer, bien sûr. Ouais, ça sent le pitch enfin, de... Enfin, les dinosaures. Hein, oui, de, pas les palmiers. Bah, bien sûr. Non, ça pue un peu. Donc, ah oui, c'est ça. D'accord. Et tu l'as vu Non, pas du tout. Ah, enfin, oui. j'ai vaguement vu 2-3 images, mais ça... Moi, j'ai vu... Le 1 m'a pas ah. enchanté des masses. Ah, hein, donc... on peut parler du 1 un peu. J'aime pas trop. Non, non, mais vas-y. Je trouvais que c'était une sombre merde. Oui, bien sûr. Parce que j'ai trouvé que c'était. Bah, en fait, ils ont craché un peu sur le mythe. Mmh. Et en plus, ils lui ont un peu légèrement uriné dessus, je trouve. Aussi. Parce qu'en fait, ils ont. Autant j'aimais bien l'idée de faire une suite, autant reprendre, le faire de cette manière-là avec un côté décalé, comique, pas très marrant. Il y a quand même des scènes qui sont... Je sais pas où t'as vu du comique, mais... Bah, enfin, oui, pas très marrant. Oui, bah... Enfin, la boutique, oui. En fait, je trouve ça... Bon, le côté qu'ils arrivent à pseudo-dresser des raptors, peut-être. Pourquoi pas, je connais... Ouais, mais je m'y connais pas rien, en vrai, ça. Rien que ça, moi, je... Oui, mais ça m'a qu'ils fait... essayent un peu avec un... Je me suis gossé. Dans ça, oui. Mais de là, arriver à faire une balade où, genre, lui, il est en quad, et il est en moto, et à côté, t'as les raptors qui le suivent, genre, on est... Bah non. Eh ben non. Et à la fin du film, t'as presque, presque l'impression que le raptor va faire un check au tyrannosaure. Hey ouais, c'est ça. On a bien travaillé ensemble. Allez, maintenant, on retourne chacun de son côté. Oh, c'est horrible. Totalement. Là, tu veux, Joe? Ouais. Et alors? Enfin, non, j'y ai joué sur Super Nintendo. Non, c'est... Non, non. Non. Ah, à Jurassic World, ça va être compliqué. Jurassic World, il est sorti il y a 2 ans. Non, non, le premier. Bah, Jurassic Park. Mmh. Oui, mais Jurassic World. Non, on parle de Jurassic non, World. Non. Non, t'aimes pas trop? Non. Je vais pas aussi. T'as aimé Jurassic Park? Oh, ouais. Enfin, moi j'ai adoré, moi. J'avais le adoré. Premier, ouais, ouais. Et après les suites, moi. Ouais. Comme Star Wars. Bah, c'est comme. Bah, Star Wars, ils ont beaucoup de suites aussi. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour parler de Star Wars. D'accord, très bien. En tout cas, c'est cool qu'ils fassent une suite. Tu crois? Mais non, t'inquiète. Parce que Dieu lui veut partir. Oh. T'as invité à une émission et tu veux te barrer, c'est clair. J'avais dit 23 d'ailleurs. À qui t'as dit 23? Pas à moi. Oh, ça va. Attends, il y a une émission par an et toi tu veux te barrer en plein milieu. Ouais, déjà, c'est quoi? De quoi? Bon, alors. Oh! On est entre passionnés de Dino. Oui, moi j'adore, je suis fan. Bah, eh, attends, merde, il est où? J'allais dire le triple beat. Il est où? Le triple beat, il est parti. Il est parti, le triple beat. Alors, vas-y, reprends. Bon, alors, donc voilà, je reprends le fil. Le triple beat. Le trilo beat. Trilo beat, trilo beat. Hein, je ne sais pas si nous allions à la rescousse de dinosaures. Bref, nous attendons le 6 juin 2018 pour nous faire un avis définitif. Définitif. C'est bien. Oui, oh, bah, bon, écoute. Chacun son truc après. Ouais, tout, hein. Je peux pas être parfait tout le temps. Donc, vos avis sur le premier Jurassic World, on vient d'en parler. On vient d'en parler, c'est vrai. C'est, voilà. Bah, c'était pas bien. C'est mal branlé ce truc. Hein. Une récente étude publiée dans le journal Vertebrate Paleontology. Hein, qui est un célèbre journal. Ah, je l'ai pas lu moi personne. Tu l'as pas lu? Non. C'est pas grave. D'une façon, personne ne connaît. Nous raconte qu'une nouvelle espèce de dinosaure, plus particulièrement le titanosaure au long cou, parce qu'il y a le titanosaure au court cou. Oui, c'est possible. Et il y a le titanosaure je m'y connais pas, au curcuma. Mais ça, c'est une recette. Ancestral. Je ne validerai pas cette blague. Non, j'ai rien que d'y penser déjà, ça, je me suis dit arrête-toi. Bah, en fait, c'est ça, oui, c'est ça. Mais non, après, les courcous, c'était possible. C'est, ouais, voilà. A été déterré dans le sud-ouest de la Tanzanie. Non. Si. Putain, mais là où, passe... où il y a le diable. Le, ouais. Ouais. Taz, tout ça, Pobolo, ouais. Pobolo. Oui. Hein, tu vois, tout à fait bien. Mais c'est ça. Donc prénommé le Shin Gopana Songwenzi. Putain, et c'est dingue cette émission, tu vois. Moi j'en avais entendu parler, mais en fait on apprend. T'apprends des choses, hein, Joe. Hein. Alors on s'amuse bien. Est un titanosaure du groupe des sauropodes. Tout comme. Le quoi? Eh ben voilà. Pardon, mais non, mais il y a beaucoup d'informations. Hein, c'est pas... Est un titanosaure, oui. Du groupe des sauropodes, là. Tout comme. Oh, mais je l'ai pas, je suis désolé, j'ai pas révisé mes titanosaures. Ah si! Non! Ah non, non, pas du tout. Non, c'est pas celui-là? Non, je sais pas. Non, Joe, un avis? Non. Non, non plus. C'est pas tétrapode. Non. Ah, c'est pas ça. Et fait bien sur partie des créatures les plus lourdes ayant jamais marché sur Terre. Et ça, c'est dingue. C'est ça qui est fou. Parce qu'en même temps, un titanosaure, c'est vrai que ça fait un peu gros. Bah, c'est, ouais, c'est ça. C'est ça comme fait... mastodonosaure. Ouais. Ouais. C'est pareil, ce serait un peu. Mastodonosaure. Ce serait dans, le... dans l'esprit d'un truc gros, tu vois. Ah, bah oui, mastodonosaure, hein, c'est, ouais, c'est j'imagine. Comme, bah, ouais. C'est oh, comme les tracteurs pulling, tout ça, tu vois, c'est pareil. Ça n'a strictement rien à voir. Il pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres de haut pour un poids avoisinant, parce que... C'est quasi à côté, en fait. Bah, je veux dire, avec des bonnes jumelles. Ouais. Les fameuses jumelles. Qui... Poil. Les 5 tonnes, quand même. Oh, vache. 5 tonnes. C'est-à-dire... Plus que ma Clio. Bah ouais. Je veux dire, ça fait à peu près ouais, 7-8 Clio, quoi. À peu près, quoi. Bah, facile, c'est... Ouais. Bah du coup, t'arrives pas loin des 4 mètres si tu les mets l'une sur l'autre. Hein. Ah, je pense que ouais. Donc ça fait... On peut dire que c'est l'équivalent de 7-8 Clio. Mais c'est ça. Putain, mais on apprend en s'amusant. Moi, j'étais pas du tout prêt à ça. Mais bien sûr. Venons-en. Ah merde, je vais péter le matos à Denver, bien sûr. Ah, c'est ce que j'ai. Hey, c'est vrai que votre analyse du dernier épisode m'avait vraiment. J'étais pas forcément d'accord, mais j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est quel épisode là? Bah, je suis con, c'est le suivant. Bah, bien sûr. Donc, on va faire. Le pitch, tout simplement. Ah, le pitch. Déjà, Denver. De Denver, une bande d'adolescents californiens. Oui. Wally, Jérémy, Charlie et... Bah, Mario. Mario. Mario. Ah, enfin. Mario. Découvre sur un terrain vague un œuf de dinosaure. C'est ça. Bien sûr. Cet œuf donnera naissance à un dinosaure de couleur... Verte. Verte. Hein. Un Corythosaurus. Corythosaurus est un genre de dinosaure finitopode de Fudapo. Ouais, c'est vrai ça. Pour les connaisseurs, oui. Hein, bien sûr, oui. Reconnaîtront forcément. Appartenant à la famille des Hadrosauridae. Waouh. Compliqué. Hein. Ah, merci. Mais tu vois, alors on regardait ça quand on était jeune, on disait, ouais, c'est un dinosaure à la con. Et en fait, non, pas du tout. Non, non, non, non, ça fait partie vraiment des Hadrosauridae. Putain, qui vivaient au Crétacé supérieur. Campagnan, bien sûr. Et ils avaient pas de guitare. Ah. Bah non. On ne sait pas. Bah, on en a pas retrouvé. Parce qu'on sait qu'on cherchait plus des dinosaures que des guitares en même temps. Oui, mais peut-être qu'à côté, ils étaient enterrés avec leur guitare, ou tu vois, comme certaines civilisations pouvaient faire. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Hein, les Égyptiens étaient avec leurs bijoux, tout ça. Ah, peut-être que les dinosaures étaient enterrés avec leur guitare. Est-ce que tu es aussi spécialiste en égyptien? Non, non, pas du tout. Ah, pardon, non, parce que moi, je. Enfin, j'ai entendu parler de ça. Après, tout ça, c'est des on-dit, des racontards, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le chiffre 13? S'il y a le chiffre 13, moi, j'y crois pas. Ah, on ne l'a pas vu souvent, mais paraîtrait-il que oui, avant de mourir, ils gravaient le chiffre 13 dans la roche. Les dinosaures ? Oui, avec leurs griffes. Et que leur... voilà. Ouais. Donc, alors, il y a 77 à 76 millions, 5 années, quand même. Le Crétacé supérieur ? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, parce que j'avais peur de perdre le fil. Oui, ouais, le Crétacé supérieur. Mais on en parlait tout de suite. Oui, hein, mais excuse-moi. Il faut suivre, hein, sinon on n'est pas. Non, mais là. Attends, moi j'ai l'habitude de faire un podcast avec de la bière et des groupes de musique. Là, c'est un truc sur le dino, c'est pointu. Moi, je ne suis pas. Mais bien sûr, mais de toute façon, j'ai quoi d'autre, n'est-ce pas ? Donc, c'est de l'actuelle Amérique du Nord, hein, pour situer. D'accord. Donc, on a retrouvé les ossements de. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Ah bah non, mais il faut être précis. Hein. Ah bah, je préfère préciser l'actuelle Amérique du Nord. L'actuelle, très bien. Ouais, très bien, tout ça. Le nom Corysotorus signifie lézard casqué. Ouais, c'est vrai que quand je vois Denver, c'est exactement ça que je pense, moi. Un lézard casqué. Bah en général, de toute façon, la guitare, la moto, tout ça, c'est... Ah, c'est... Oui. C'est un biker. Génial idée. Oh putain. Voilà. J'avais pas fait le lien, mais effectivement. Voilà. Plus tard, quand on découvre ses ossements, on verra une guitare avec un casque, on dira à Denver. Et on pensera tout de suite, on dira, tiens, un Corythosaurus. Alors que non, c'était Johnny. Putain, mais c'est dingue. On apprend des choses, hein, n'est-ce pas ? Ouais, c'est, ouais non, mais je suis... Bien sûr, mais nous sommes là pour ça, et mais une fois nous par en an. Sommes heureux. C'est qu'une fois et par heureusement. An. Mais oui, parce que bon, du coup, après, on pourrait surcharger les gens c'est de, ça, de savoir. Voilà. Bah après, leur cerveau exploserait, ça serait plus... C'est pas... Non, c'est vrai. Voilà. Donc, lézard casqué, il lui a été attribué en raison de la ressemblance de sa crête, voilà, avec un casque de soldat corinthien. Mais tout se tient. Tout se recoupe, tout est dans la même dynamique. Moi, je suis... Et ce dinosaure, ils l'appelleront... Denver bon. Qui n'a rien à voir avec la ville ou l'État... Bah, alors, en fait, l'Amérique du Nord, donc Denver. Après, Denver... Ouais. Ça, voilà, je pense que c'est. Ça se rapproche. Ça doit être lié quand même. Ça doit être lié. C'est central. C'est, tout ça, c'est. Voilà. D'accord. Ça reste assez central. Ouais. Non, mais c'est donc, vrai. Denver est un dinosaure hors norme, qui aime la guitare et le skateboard, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. On n'en parle pas assez parce qu'il ne fait pas que de la guitare, il fait aussi du skateboard. Moi, je me suis toujours demandé comment il faisait avec ses bras. Et ils m'ont non retrouvé. Lors de la découverte de ce fameux. Et puis, c'est vrai qu'ils l'ont trouvé en neuf, donc du coup. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'avais bien aimé dans votre analyse de l'épisode 1, dès le début et de tout ce qu'on suivit, le côté de dire qu'il a jamais pris de cours. Ni pour l'un ni pour l'autre, et qu'en fait c'est comme fascinant. Si c'était inné chez lui, quoi. Mais totalement, totalement. Ah non, mais je pense qu'à mon avis, cette race de dinosaures est complètement autodidacte. Autodidacte, il y a un cerveau, je pense, plus développé que certains que humains, ouais, par exemple. Peut-être, oui. Il sait jouer la guitare, il parle, parce que, on va le découvrir. On va le découvrir, effectivement, il parle. Il parle. Et il fait du skateboard. Donc, je pense, à mon avis, que c'est pas... Dans mon souvenir, par contre, j'ai un petit... Est-ce qu'il faisait pas du skateboard avec un casque ? Alors, dans certains épisodes, oui. Ouais. Mais pour le générique, en général, il mettait son casque parce que ça... Il avait un problème. Côté sécurité. Ouais, ouais, puis, non, mais ça le gênait. Ouais, non, mais c'est vraiment compliqué. C'est vrai. Puis, c'était le générique. Donc, fallait avoir une bonne image. Ouais, non, c'est vrai, ça pète plus. Donc, voilà. Donc, on remercie les gens pour leur retour sur l'épisode polémique, le 49. C'est vrai. Qui a fait énormément. Moi j'avais laissé un com, moi je me souviens. Oui, bah j'imagine. Bah, c'est un petit peu. Voyage dans le temps qui pose beaucoup plus de questions qu'il ne donne de réponses. C'est et vrai. Aujourd'hui, nous parlerons de l'épisode 50, sobrement intitulé La chasse au trésor. Voilà, c'était... c'est ça. Mais je savais pas si c'était celui-là ou le 51. J'avais un doute. Hein. La chasse au trésor. On sent le connaisseur quand même. J'aime bien Denver. Hein. C'est quand même. Ouais, j'aime bien Denver. Moi j'aime bien Denver. Je regardais ça sur la 3 quand j'étais petit. FR3 ? Oui. Mmh. FR3 à l'époque. Avec le 3 en triangle. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. C'était. C'est beau. Donc, je l'ai pas vu en plus, le 50. Vous vous rappelez ce qui se passe dans cet épisode ? Ah non, je l'ai pas vu. Je vais vous resituer. Merci. Dans cet épisode, nos amis en vacances au tropique tombent sur un bébé jaguar perdu que Denver décide d'aller accompagner dans la jungle. Malheureusement, c'est là que les deux compères et fraîchement nouveaux amis tombent sur deux chasseurs voleurs de trésors dont l'un se fait appeler... Le chasseur ? Cowboy. Cowboy, ah mince. Cowboy. Ah oui, c'est logique, je suis con. Bien sûr. Décide de capturer... C'est Cowboy, hein ? Ouais, c'est Cowboy. Décide de capturer Denver... En plus d'avoir volé toutes les merveilles du temple. C'est vrai. Ça, c'est, ça, ça doit être un peu... Quel vilain garnement. C'est ça. Moment très attendrissant où Denver dit au petit jaguar, appelle maman. Alors, je le fais pas très bien parce que je j'ai pas une notion, j'ai pas eu mon BEP Denver. Non, mais oui. J'ai eu juste une vague notion. Ah, d'accord. Je crois que... Il parle bien. Bah, oui, ça donne un truc comme ça. Quelque ouais, chose de un peu plus grave, mais voilà. Ouais, non, c'est enfin, ça. Je l'aurais essayé du moins. Et où plus tard, bien sûr. Et où plus tard, le bébé se retrouve à attraper les clés alors que Denver prisonnier lui crie les clés, les clés. Grand moment de. Hein, c'est quand même une série. Je me le repasse en boucle. Hein, ah bah non, ouais. Faut le faire et, en gif. Je trouve ça. Oui, c'est ça. Les clés, les clés. C'est cocasse. J'aime bien. Voilà. Le problème avec Denver, toujours et même tout au long de cette première saison et son évolution au contact de ces quatre jeunes, mais c'est le ça. Dinosaure a appris à. On en parlait tout de suite. Mmh. Bah, faire, à jouer de, à parler. À parler. À parler, c'est ça. Voilà. Il a appris à parler, faire du skate et même jouer de la guitare. Ah ouais, on en a parlé. Hein, on en parlait justement. Tout au long de ce podcast. Hein, c'est merveilleux. Ce qui est déjà posé quelques problèmes, par exemple, dans l'épisode 31. Oui. Et oui. Exactement, oui. Denver, le maïs magique. Oui. Bah ouais, et oui, il existe. Que... Et oui, ça paraît bizarre, mais il existe. Il existe. Et oui. Il faut reconnaître que moi, entendre Denver parler a tendance à me sortir un peu de l'intrigue, alors que, bien pris dans l'épisode, vrai, je me suis surpris à me demander si, au final, le bébé jaguar allait réussir ou non à retrouver ses parents. Je pense que ça devait être pareil pour vous, à ce moment-là. Mais je, oui, mais je m'en souviens pas de cet épisode. Mais du coup, il le retrouve Mais on ne sait pas, en fait. D'accord. Non, on ne sait pas si... voilà, c'est... Mais après, voilà, je veux tu pas... veux pas spoiler. C'est non. Ça, c'est ça. C'est ouais. Pas mon genre. Non. Je préfère que vous le découvriez par vous-même. Oui, c'est gentil. Et que vous vous fassiez un avis. C'est toujours un petit que, peu. Bah, voilà, que vous versiez votre larme. Bah, moi en plus, ça me fait quelque chose parce que je sais qu'il y a que 52 épisodes dans cette saison et qu'il n'y en a qu'une. Donc on approche de la fin. Donc est-ce que on a des éléments qui nous amènent Mais voilà, ça on ne sait pas. Et je me préfère rien dire. Oh putain, je suis obligé de regarder les deux derniers. Parce que sinon, je vais attendre 2 ans. Je pense qu'elle est trouvable hein, chez tous les bons vendeurs de DVD possible. Et autres. D'accord. Voilà. Et autres marchands. Et toi, Joe, t'aimais bien Denver ? Ouais. Ah, bah, tu l'avais vu, cet épisode-là de... Ah, d'accord, tout ça, d'accord. Moi aussi, sa voix était assez... En colère. Non. Parce que t'as fait... Donc, ouais, enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est vrai que des fois, il s'énervait un peu. Un peu ouais. Et on sentait qu'il avait un peu de... C'est vrai, voilà. C'est vrai ce que tu dis. Qui a retrouvé ce... un peu de... Et bon, voilà. Voilà. Et je lui mettrai quand même 4 brachiosaures sur 5, hein, cet épisode. Qui était, quand même. Ah oui, voilà, bah, parce que moi, il m'a vraiment touché. Et personnellement, je pense que pour moi, c'est l'aboutissement vraiment de... Ils sont allés au bout du truc. Ah, je pense, ouais. Et moi, ça m'a... C'était poignant. Et est-ce qu'on apprend pourquoi ils sont en vacances au tropique? Parce que c'est quand même 4 gamins qui n'ont pas d'argent, normalement. Regardez. Regardez. Ah, vous allez voir. Il veut rien spoiler. Hein. Dans le prochain numéro, l'épisode 51, Denver fait la une. Oh. Oh, ce teasing. C'est-à-dire que l'année prochaine, ce sera... Oh, j'ai hâte. Je ne dis rien, je ne spoil pas. Bon, on va passer un petit peu, bah, c'est les fêtes, hein. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai quelques idées cadeaux, Dino, hein, pour vous, ah, à vous offrir. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Ah, j'adore. Alors, comme, bah, voilà, je le disais tout de suite, hein, alors comme chaque année, les fêtes de fin d'année sont l'occasion d'offrir et de partager autour de vous la passion qui vous anime. Donc, voici une liste non exhaustive de cadeaux en rapport avec les dinos. Toi, je suis sûr que tu dois te faire plaisir quand tu achètes et quand tu offres. Surtout quand j'offre, bien sûr. Je doute. Moi, je ne suis que amour et... Et dinosaure. Gloire et beauté. Non, ça, c'est... J'en perds ma bière. Désolé. Non. Alors, sur la terre des dinosaures, l'intégrale des 7 DVD, bien sûr. 19€, à savoir 856 minutes. Eh oui, Joe, tu entends bien, 856 minutes de pur plaisir autour de nos ancêtres préférés. Putain, mais c'est ouf. C'est dingue. On peut avoir l'intégrale comme ça pour 19 boules. 19,99€, on peut se faire plaisir pour 856 minutes. Je sais même pas combien ça fait en heure. Qui sait que peut-être que je le ferai à quelqu'un. Je ne sais pas encore. Si c'est toi, tu me le prêtes. Tu fais mal quoi. Voilà, voilà. Ravensburger. Non. Nos amis. Mais oui, ils ont fait des jeux de société, ces mecs-là. Et des puzzles. Et des puzzles. Et des puzzles. Ils ont fait des puzzles. Ils ont fait des puzzles, de moult puzzles sur les dinosaures. Non, j'allais dire, ils ont peut-être pas fait des moulages, mais c'est Mako qui a fait des moulages. McDo ? Non, Mako. Ah, d'accord. Mako moulage. Il n'y a pas de blague. Non, je cherchais pas la blague, je cherchais juste le nom. C'est pas grave, j'irai chercher. Donc, je parlais, Ravensburger nous propose une nouvelle boîte de Science X que moi-même, j'ai offert à mon fils il y a 3 ans. Ah ça. Bien sûr. Mais tu peux en parler avec connaissance de cause, mais alors. Tout à fait. Non, ça fait un peu trop... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Frilly Prisoli, tout ça. Mais juste pris la famille. Je m'en souviens, c'était après Denver. Non, avant Denver, parce que Denver, ça pouvait passer à Hunter. C'était le midi. Et donc oui, nous parlions de cette fameuse boîte, la boîte X, dont tel a le secret descriptif. J'ai du mal à lire ces notes. Oui, c'est ça, je suis en train de chercher. Voyage à travers le temps. Ce kit comprend 15 expériences excitantes, moi j'aurais plutôt dit exaltantes, sur les triops. Qu'est-ce que c'est les triops ? Ah, les triops, on en parlait tout à l'heure justement, avec des camarades. C'est un autre podcast bien connu du monde entier. D'accord. Donc, référez-vous à ce podcast. Putain, mais c'est compliqué comme podcast. Il faut avoir le cerveau en ébullition. Hein, c'est pas... Bah, j'offrirai pas cette boîte parce que je comprends rien, mais d'accord. C'est pas... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Hein, ah oui, franchement, d'accord. Les triops constituent un genre de crustacés d'eau douce. Voilà. Ouais, merci. Hein, faisant partie de l'ordre des notostracés. On est d'accord ? Ouais, de la classe des branchiopodes. Ah oui. Ce sont des petits prédateurs très actifs des milieux aquatiques stagnants. Oui, et un peu, voilà. Je visualise. À quoi ça ressemble un petit peu là ? Enfin, donc c'est l'expérience avec ça en fait. Voilà. Donc en fait, on a un petit sachet dans la boîte. On crée tout le petit écosystème. L'écosystème de ces petites bêtes et on les met dedans. Donc, normalement, ils évoluent, ils grandissent. D'accord, mais on te vend un truc sur les dinosaures et tu te retrouves avec des petites larves de merde. C'est ça. C'est pas une super idée. Par contre, là, je lui mettrais 2 brachiosaures sur ça. Hein. Pour ma part, personnellement. Hein, parce que, très bien. Voire peut-être même 1. Ah bah, d'accord. Pour avoir vraiment acheté le truc. C'est de la merde. Donc, l'enfant pourra faire son élevage de triops. Hein, assembler. Alors, ça, c'est totalement faux hein, parce que ça marche pas. Assembler une maquette de tyrannosaure, donc ça c'est pareil, c'est une maquette en balsa. Ok. Voilà, prédécoupée hein, dans des planches. Donc on a juste à décliper, hein, tout simplement, comme on fait pour des céréales ou pour, je sais pas, des céréales. Des chaussures par exemple. Des chaussures. J'achète pas mes chaussures au même magasin que toi. Il n'y a rien à déclipper. C'est pas... Je pensais que c'était un podcast sérieux. Je suis déçu. Tu vois. Non, je suis désolé. Non, j'ai bu un petit verre de Porto tout à l'heure. On est bientôt en vacances. Je suis totalement hors de mes guêtres. Ou encore réaliser son propre volcan en ébullition. Waouh! Ça, c'est stylé. Non, c'est totalement faux. Ça ne marche pas du tout. On l'a fait, ça ne marche pas du tout. Donc, Donc là, ça va être un brachiosaure sur pour cette boîte. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup. Merci. Sinon, pour les plus jeunes, nos petites chères petites têtes blondes, j'apprends à dessiner, spécial les dinosaures. Où vous pourrez dessiner, donc il y a 15 dinosaures à dessiner, hein, bien sûr. Hein, l'iguanodon, le timédrodon. Moi, je suis plutôt timbache là, moi. À ne pas confondre avec le gros coussin qu'on met sur le dodo quand il fait froid au petit peton. Le diplodocus. le Triceratops, le Pteranodon et bien d'autres, bien sûr, que vous retrouverez forcément dans J'apprends à dessiner spécial les dinosaures. Putain, c'est trop bien. Pour les petits enfants. Le livre extraordinaire des dinosaures. Waouh ! Et ça déjà, il y a extraordinaire, quoi. Bah, déjà, et il y a dinosaures. Ah putain, mais oui, c'est génial. Et si on regardait ce Triceratops de plus près ? Ouais, je te suis. Hein. Quelle était la vitesse de pointe du Vélociraptor ? Oh, c'est rapide quand même. Combien de kilos de viande le tyrannosaure pouvait-il avaler en une seule bouchée ? Quelle était la taille du brachiosaure ? Toutes les réponses à ces questions sont à découvrir dans ce livre, en images et en grand format, s'il vous plaît. Avec une grande attention apportée aux détails. À tous les détails. Hein. Ah oui, apparemment. C'est vraiment tous les détails. Chaque animal est fidèlement représenté sous la forme d'un dessin spectaculaire et très réaliste. Ah, il me faut ce truc. Hein. Moi, achetez-le, c'est formidable. Mais j'ai complètement envie de le lire. Je vais pas vous finir la description. Parce que rien que ça, moi déjà, je pense que là, tout de suite, je vais aller l'acheter. Mais attends, regarde, là, je prends mon téléphone. Je mets dans le panier et je jette. Continue, je l'achète. Et le classique indémodable costume gonflable de T-Rex, dont je mettrai l'adresse mail et l'adresse pour pouvoir acheter et acquérir ce superbe. Est-ce que c'est un lien où on peut voir la photo peut-être ? Certainement, oui, bien sûr. C'est pas un lien cliquable ? Non, mais bien sûr que si. Parce que tu veux le voir en direct ? Ah non, c'est pour partager avec. Ah, tiens, vous recherchez une page. Ah bah non. Attends, bah, reclique, peut-être qu'on peut le voir, attends. Parce que... Sur la page d'accueil ? Ouais, non, mais vas-y. Non, trop tard. Attends, parce que si on peut le... Oh là là ! C'est la bouteille de pantou. Tiens, le garde... Je pense que c'est un buzz. Il peut pas sortir. Ah d'ailleurs, ce Porto était gazeux. Il a du mal à évacuer. Moi je pense que franchement c'est pas mal. Oh merde. T'en as perdu. Oh non, mais il va vomir. Oh non, ben je suis désolé. Non, c'est pas très, hein. C'est pas très sérieux, mais en même temps c'est les fêtes de fin d'année, on en profite, on rigole, on s'amuse bien autour des dinos. Mais... il va vomir ce con. voilà. Ah oui, ça a l'air bien ce costume. Hein, après personnellement, j'ai moult activités avec ce costume. J'ai pas de vélo, mais sinon ça a l'air bien. Un bicross suffit. Hein. Ça fait la même chose. D'ailleurs, ce qui était le véhicule de prédilection de Mario dans le bicross. Aussi, non, nous avons Dinotopia. Bien non, pop. Ah, bah, ah, le pêle-mêle et votre... Non, attends. Nous sommes... Mais si. Montre pédagogique pour enfants, garçons et filles de mon âge. Garton. Cadran blanc et caoutchouc 3D. Ah, bah si, c'est stylé. Ah, quand même. Si. On est sur avec des... le T-Rex en fond. Hein, voilà. Non, c'est chouette. Franchement, voilà, c'est je prends. Très bien. Non, le pêle-mêle et votre avis. Mais t'es désagréable. Hein, oh. Mais dis donc, quelle heure ? C'est fini, regarde. C'est quasi fini. On a quasiment fini. En plus, c'est le seul de l'année. Bah oui. 2017. Parce que vous êtes bien entendu invité en janvier 2018. Ah, ça reprend. Non. Non, je pense qu'on fera un plutôt vers le 20, 21 juin donc, 2018. La rubrique pêle-mêle, c'est celle où tu parles d'un truc et on voit si on s'en souvient et on en discute deux secondes. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà. Tu es d'accord. Voilà. Je me fais quoi là ? Dorothy's Dinosaurs Rocking Christmas. Mais non, mais tu demandes si on connaît la série. Vous connaissez la série? Qui s'appelle comment? C'est ça, Dorothy. Mais non! En haut, c'est marqué quoi? Dinosaure. Eh ben oui. Ah, la série Dinosaure qui passait le samedi matin. Où, c'est ça. Où l'enfant, il était dans un œuf encore de dinosaure. Ouais, je m'en souviens, moi. Ah. Où il travaillait dans un chantier, le père. Il revenait le midi avec sa petite valise. Oh la vache, mais oui, mais... C'est... Oh, oui, non, mais tout ça, moi, ça doit être du Jérusalem. Ah bah ça, je sais pas, je suis jamais allé. Mais... tu te souviens, toi, de dinosaure? Non, pas du tout. Ah... Moi, je m'en rappelle vaguement, quand même. Ah, tu vois, bah, moi, ouais. Je m'en souviens un petit peu. Bah, prends-en... Oh là là. Bon, à ta droite, évacue. Je crois. Non, non, à droite. À droite, c'est à droite qu'il y a l'autre. Voilà, ah, voilà. Il... Non, mais... il maîtrise pas. Eh, qu'est-ce donc? Il maîtrise pas les technologies, cet enfant-là. Hein. Non. Oh là là. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah bah, j'ai rien fait, moi. En fait, tu vois, faut que tu navigues comme ça. Avec trois doigts. Ah ouais. Avec trois doigts, carrément. Putain. Alors là, t'es pas obligé de cliquer si jamais. Ouh. Alors. Ouais, non, à la limite, ne clique pas et parle. Dis juste, l'hiver revient. Dis juste les titres. Ça, voilà. Dinotopia. Alors oui, c'était une série, Dinotopia. Oh, ça vous parle pas? Une série avec des. Ouais, ouais, les mecs, ils vont y aller. C'était en 3D, ça? Ouais, plus ou moins. Ouais, plus ou moins en 3D. Ouais, ouais. C'est, vous aimez bien? Moi, j'aime. Bon, bon après, ouais. Voilà. Bon, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Bon, ouais. Ça à voir une fois. Terra Nova. Oui, bah, c'est, en fait, c'est une série aussi pareil qui se passe en fait, pour protéger un petit peu la Terre. Dans mon souvenir, les gens utilisent un moyen pour aller retourner au temps des dinosaures et essayer de survivre. Mmh, oui, ça me dit vaguement quelque chose. Il n'y a eu qu'une saison, ça n'a pas été plus loin. C'était pas mal. C'était pas ouf dingo, mais c'était pas mal. Ouais. Moi, je m'en souviens. Non, non, bah, non. Joe n'est pas. Non, t'es pas dino, toi. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et ça te donne pas envie de, d'être plus dino? Ouais, vu les cadeaux. La petite montre. Ah, la petite montre, ouais, sympa. Le petit BMX. Enfin, le costume. Diplodo. Diplodo, non, ça, non, c'était des dinosaures qui avaient des pouvoirs, mais en fait, à la base, c'était fait pour être des ustensiles de bureau. Moi, je m'en souviens vachement bien. Genre, t'avais une agrafeuse, t'avais une perforeuse, t'avais du scotch, t'avais le ptérodactyle, il faisait les ciseaux. En fait, tu pouvais acheter genre une paire de ciseaux en Diplodos. Et ça faisait une paire de ciseaux, t'avais un scotch, et ils faisaient des missions, des espèces d'histoires à chaque fois où ils utilisaient leur capacité de dinosaure. Donc t'avais un dinosaure qui scotchait, t'avais un qui coupait et tout. Classe. Ah si, c'était stylé comme dessin animé. Ouais, bah, j'irais voir ça. Ah ouais, bon, j'aimais beaucoup. Alors, Dino Rider, c'est pareil. Non, ça vous parle pas? Dino Riders, non, ça me parle pas. En fait, moi je m'en souviens parce qu'il y avait beaucoup de jouets, et c'était des dinosaures, et on leur avait mis dessus plein d'armes. C'était des dinosaures, ils avaient genre, il y avait un diplodocus, il avait autour de lui deux grosses... espèce de cylindre, et quand ça s'ouvrait, il y avait plein d'armes dedans et tout. Et en fait, ça, il mettait un truc sur la tête qui permettait de contrôler les dinosaures, et derrière, il s'en servait pour faire une guerre de gentils contre méchants. Oh, wow. Ah non, c'était méga stylé. Ça. Oh, ah ouais, non, trop stylé. Trop alors, stylé. Ça, oui, par contre, Cadillac and Dinosaur. Ah ouais, c'est un comics qui a été après en jeu vidéo et en dessin animé aussi. C'était un mélange bizarre, par contre, de Cadillac et de Dinosaur. Ouais. Ouais, le titre est à l'image. Alors ça, Joe, forcément, c'est l'objet que tu connaisses. Le dino-train. Bon, dino-train. Putain. Dis donc, t'as des gosses, hein. Faudrait peut-être que tu t'y mettes, hein. Ah, t'intéresses à eux, au moins. Oui. Dino-train. Le dino-train. Quelle année? Va plus loin. Que le train. Dino-train. Attends, dino-train, ça dénonce, parce que le mec, il est, le dinosaure est élevé par d'autres, une autre race de dinosaures, en fait. Ouais. Alors, c'est sur l'égalité des choses de la vie, hein. C'est ça. C'est beau. C'est un message de paix, d'amour. Et pour le... Et le petit dinosaure. Non, alors, c'était plus, en fait, pour le... De ce que... Je pense que t'as mis ça pour nous rappeler le nombre d'épisodes conséquents. Tout à fait. Parce que le... Vous vous souvenez pas du petit dinosaure et de la Vallée des Merveilles? Ah bah, si, quand même. Bah, si, petit pied. Voilà. Et bah, tu regardes, moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein de petits pieds. C'est même carrément des longs métrages. Oui, c'est des longs métrages. Hein. Je dirais qu'il y en a une série de 14 longs métrages d'animation. 14 films? 14 films. C'est énorme. Ça veut dire que pendant les vacances, t'as moyen de t'en mater un par jour, presque. C'est ça. Waouh! Ouais. Ah ouais, non, mais. Est-ce que c'est la recommandation de Tout sur mon dino pour les vacances? Pour les petits, ouais. Et les grands aussi. Ah. D'accord. D'accord. Qui profite des petits. Est-ce qu'il vaut mieux regarder ça ou regarder Jurassic World? Moi, je dirais... à choisir. Pour l'authenticité. Ah, petit dinosaure, quand même. Petit pied. D'accord, on part sur petit pied. Je pense qu'à mon avis, c'est plus authentique. D'accord. Hein, des dinosaures qui parlent, des dinosaures roses, verts... D'accord. Non, je pense que c'est plus, ça fait plus vrai, ça fait plus authentique. D'accord. Bon, sinon, il y a une série. Ah oui, il y avait une série animée, télévisée. Oh la vache. Hein? American. En plus. Tout à fait. J'adore les Américains. Ayant commencé en 88, s'il vous plaît. Eh, c'est pas tout jeune. Non. Hein? Moi, je me souviens que c'était... J'avais un an. C'est ça. Bah, pas moi, j'étais déjà... la question n'est pas là, on n'est pas là pour... D'accord, très bien. Et par qui c'était produit? Je vous le donne en 1000, je vous le donne en 2000, je vous le donne Steven Spielberg. Oui, tout à fait. Et d'autres gens. C'est ça. Il n'était pas tout seul. Il y avait George avec lui. Ah merde, George Lucas était là. Ouais. Ah non, bah c'est vraiment trop bien ce podcast. C'est clair. Du coup, c'est bien. Oui. Et les longs métrages suivants et la série télévisée furent par la suite produits et réalisés par d'autres artistes. Ah, bien mais sûr. Oui. Voilà. Donc, eh bien, merci à tous. Ah bah, ça m'a fait plaisir. Enfin, au moins à vous deux. Merci, ouais. Non, c'était cool. Merci c'était à toi, Joe, d'avoir été là avec nous pour cet épisode annuel. Hein. Wow, c'est... Ça fait quelque chose. J'espère que ça vous a fait rêver, que ça vous a un peu sorti de votre quotidien morose. Hein, Je pensais pas apprendre autant de trucs, quoi. Bah voilà, je suis là pour ça. En même temps, c'est mon rôle de médiateur, de voilà. Ça me fait plaisir, moi, de partager cette passion. Ouais, merci en tout cas. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi, c'est pour moi. C'est donc pour moi. Donc le prochain épisode, c'est l'année prochaine? C'est l'année prochaine, tout à fait. Ok, voilà. D'accord. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, puis peut-être qu'on aura des invités surprises, peut-être qu'on aura éventuellement même Denver qui pourra éventuellement venir. Je suppose que c'est pas si facile que ça à préparer, un an quand même, c'est long et en même temps très c'est court. C'est long, c'est fastidieux et c'est très court, c'est oui, vrai, effectivement, Mais bon, voilà, moi j'ai ça dans le sang, c'est le plaisir, j'offre aux gens, je donne, je partage, je suis là pour ça. Eh bien, merci pour ce moment de partage. Et bien de rien. À l'année prochaine. À l'année prochaine, alors. Bah, bonne fête de fin d'année à tous, alors. Eh bien, voilà, c'est ça. Bon, je crois qu'on peut pas dire, on peut pas le dire mieux. Trilobite, c'est pas mal. On l'a déjà dit. Ah, merde, d'accord, ok. Bon, à bientôt les petits dinos. C'est ça que c'est tu dis ça, à la fin. À bientôt les petits dinos. À bientôt les petits dinos. 43 minutes. Sérieux?